Les sessions plénières du comité central de la Fédération des bouddhistes de Corée, du comité central de la Fédération des chrétiens de Corée et du comité central de l'Association des catholiques de Corée se sont déroulées à Pyongyang les 15 et 16 juin en présence des présidents, d'autres membres des comités du niveau central et des provinces, des ecclésiastiques et des croyants. On y a discuté des mesures pour le soutien et l'application de la ligne et de l'orientation originale en matière de réunification de la patrie, précisée par le respecté maréchal Kim Jong-un au 7e congrès historique du Parti Travail de Corée. Les orateurs ont dit que l'amour, la paix et la justice désirées par les religieux sont possibles quand on adhère au principe d'indépendance dont la solution du problème de la réunification, problème de la nation, réalise la grande union nationale, assure la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et réunifie le pays sous forme fédérale. Ils ont témoigné du soutien absolu à la ligne et à l'orientation précisée par le maréchal. Ils ont appelé tous les Coréens, sans parler des croyants, à ne pas rester indifférents à l'actuelle situation où les rapports nord-sud sont empirés à l'extrême et le danger de guerre devient plus grave, à transcender les différences d'idéologie, d'idéal, d'opinion politique et de croyances, et à s'unir sous le drapeau de l'indépendance et de la grande union nationale. Ils ont invité les religieux et leurs formations du nord, du sud et de la diaspora à s'unir, à ne plus pardonner la bande de Bakouné qui bafoue la volonté des croyants dressée pour la réconciliation, l'union et la réunification nationale, à montrer par la pratique combien ardentes sont l'exigence et l'aspiration des croyants à la paix et à la réunification. Les sessions plénières ont adopté des résolutions et décidé d'adresser des lettres aux formations religieuses de Corée du Sud.